Dans une baraque en toile, ma mère disait l'avenir. Je vois briller ton étoile, dit-elle avant de mourir. Ne sois pas triste, même aujourd'hui, le bonheur t'attend, ta mère te le dit. Je n'avais qu'elle sur terre, et je me retrouvais tout seul, avec sa boule de verre, posée près du linceul. Soyons pas tristes, même aujourd'hui, le bonheur m'attend, maman me l'a dit. Je partis dans le paysage avec mon baluchon, mais pour vagabondage, on me mit en prison. Ne soyons pas tristes, même aujourd'hui, le bonheur m'attend, maman me l'a dit. J'allais prendre le large quand la guerre éclata, j'avais tout juste l'âge pour faire un bon soldat. Ne soyons pas tristes, même aujourd'hui, le bonheur m'attend, maman me l'a dit. Je m'en suis sorti tout de même, mes os sont en nickel. Je suis le premier qui promène un cœur artificiel. Soyons pas tristes, même aujourd'hui, le bonheur m'attend, maman me l'a dit. Là-dessus, mon âme chante pour une fille aux yeux verts. Mais voici qu'elle décampe entre deux courants d'air. Soyons pas tristes, même aujourd'hui, le bonheur m'attend, maman me l'a dit. Peut-être allez-vous rire de ma crédulité, mais tant que je respire, oui, tant que je vivrai en mon étoile, je croirai toujours, elle brillera, sans doute un jour, peut-être aujourd'hui. Maman me l'a dit, maman me l'a dit, maman me l'a dit, maman me l'a dit.